Salut l'équipe, trop bien cette émission sur Hunger Games, j'ai trouvé ça super intéressant et du coup j'ai lu l'essai de votre invité Dee Chevalier sur le personnage de Katniss Everdeen. Franchement c'était absolument passionnant, merci pour la découverte, merci beaucoup pour votre émission et à bientôt. Ah, salut l'équipe de Blockbuster, c'est Patrice. Là, je ne pouvais pas ne pas laisser de message puisque le prochain Blockbuster est consacré à Wolverine. Wolverine, c'est un petit peu le Ikki dans Saint Seiya. C'est le mec qui va régler les problèmes, mais toujours un peu plus cash. C'est vraiment le meilleur. La plus belle boulette, ça a quand même été d'essayer de le faire mourir. N'importe quoi, ils se sont complètement craqués. Alors j'ai hâte d'entendre de ce que vous allez raconter et j'espère peut-être que je vais apprendre des trucs. Bisous! Oui, salut Frédéric, et c'est Bertrand. Écoute, merci pour tes émissions et les podcasts. Là, c'est un fil d'air frais dans l'atmosphère moisie du paysage médiatique en ce moment, hein. D'ailleurs, ces derniers temps, j'ai fini par me demander si j'étais normal. En effet, j'ai rien à faire de me faire spoiler, moi. Et je suis désolé, hein, mais je vais même te dire que je vais pas voir quelque chose sans me le spoiler avant parce que j'aime pas vraiment les sujets. Une bonne histoire, on peut y revenir plein de fois, c'est bien la preuve que c'est pas la surprise qui en fait la qualité. Petit, combien de fois j'ai vu les dents de la mer en espérant à chaque fois que Quint ne se ferait pas croquer, alors je savais que c'était le cas. Mais bon, c'était Bertrand, salut et encore merci pour tes émissions. Il y a quand même des bandes dessinées qui en disent long sur l'état du monde. Prenez les X-Men. Dans les années 60, les mutants de chez Marvel Comics sont censés être une allégorie des minorités discriminées et des laissés pour compte, craints et haïs par un monde qui les rejette. Les X-Men parlent aussi bien de ce que les Afro-Américains ou les homosexuels vivaient aux États-Unis dans ces années-là. Mu par un rêve de coexistence pacifique entre humains et mutants, le professeur Xavier, la version Marvel de Martin Luther King, crée les X-Men comme les porte-drapeaux de ce que peuvent être les mutants, c'est-à-dire des héros. Et pendant des années, même si la composition de l'équipe n'a eu de cesse de changer, le rêve du professeur Xavier d'un vivre ensemble quasi utopique a été la motivation première de ce groupe de mutants. Or, 60 ans plus tard, les X-Men vivent désormais dans une nation indépendante avec leur propre gouvernement autonome sur l'île de Krakoa. Une île où seuls les mutants peuvent pénétrer. Héros ou vilains, peu importe qui vous êtes, le simple fait d'être né mutant vous donne la citoyenneté. Les mutants de 2022 ont leur entreprise, leur matière première, leur culture, même leur religion. Et dernièrement, ils ont même colonisé et terraformé la planète Mars pour y placer une colonie mutante à Rako, l'île sœur de Krakoa. En 60 ans, on est passé d'un idéal de vivre ensemble à chacun chez soi. Et quand on regarde l'état du monde réel aujourd'hui, il est difficile de ne pas se dire que les X-Men de 2022 en sont la version la plus tristement réaliste. Aujourd'hui, les mutants ont rejeté un monde qui les a craints et haïs trop longtemps. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. What's wrong? Qu'est-ce qu'il y a? Stryker came by today. Stryker est passé au chantier. Don't worry, I said no. T'inquiète, j'ai dit non. Why is he bothering you after all these years? Pourquoi il poursuit après toutes ces années? Because I'm the best there is at what I do. Parce que dans ma spécialité, je suis le meilleur. Bien sûr, ma spécialité, c'est pas très joli. You're not an animal. Tu n'es pas un animal, Logan. What you have is a gift. Ce que tu as, c'est un don. A gift. Un don. You can return a gift. Ça peut se refuser, un don. Si aujourd'hui, pour le grand public, Marvel est synonyme de films à grand spectacle, d'Avengers, Black Panther et autres Spider-Man produits à la chaîne pour alimenter des plateformes telles que Disney+, il ne faut pas oublier que pendant des années, la locomotive des ventes de bandes dessinées Marvel, c'était les X-Men. Et un membre en particulier, un petit mutant canadien, trapu et poilu aux griffes en adamantium, Logan, alias Wolverine ou Serval, pour les plus vieux lecteurs. Paradoxe de papier, incarnation parfaite du anti-héros, assassin impitoyable, cow-boy ou samouraï au cœur pur, ce personnage de bande dessinée est un des héros qui a inspiré de nombreux scénaristes qui ont chacun su ajouter une nuance qui en ont fait le personnage complexe qu'il est aujourd'hui. Pour revenir sur le plus populaire des X-Men, j'ai avec moi Jean-David Morvan, bonjour. Bonjour. Vous êtes scénariste de BD et on vous doit entre autres, parce que c'est, vous avez une œuvre pléthorique, Sillage, HK, Zorn et Dirna, Conan le Cimérien, Spirou et Fantasio, Wolverine Sodade et dernièrement Madeleine Résistante avec David Vertaille au dessin aux éditions Dupuis sur la vie de la résistante Madeleine Riffaut qui a remporté le prix René Goscinny du meilleur scénariste. C'est vrai, je confirme. Eh bien, félicitations. Mais merci, ça me fait plaisir. Avec nous également, et on est ravis, Alexandra Ramos, bonjour. Bonjour. Vous êtes community manager freelance spécialisée dans le comics, productrice du podcast Comme dans ta bulle. C'est ça. Avec nous, Robert Ospian, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes critique, vous travaillez actuellement pour la revue Rokirama et Film de culte. Et avec nous, Aurélien Vivès, bonjour. Bonjour. Vous êtes community manager et rédacteur chez Panini Comics, et au mois de février, vous allez ressortir Wolverine, l'arme X de Barry Windsor-Smith. Tout à fait. Ensemble, on va retracer l'histoire de Wolverine, de sa création à aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que ce personnage est un héros si fascinant? Que représente-t-il dans cette galaxie de super-héros souvent plus manichéens? Qu'est-ce que ce personnage dit de la souffrance physique, du rapport au corps, de la résilience? Quel est son héritage? Pendant plus d'une heure, on va vous expliquer pourquoi Logan est définitivement le meilleur dans ce qu'il fait, même si ce qu'il fait n'est pas très gentil. When it starts, whatever the reason is that you're doing this. Une fois qu'on sera lancé, quelles que soient les raisons qui vous motivent, focus on that. Focalisez-vous dessus, ça pourrait vous aider un peu. Trust me, I've been through worse. Croyez-moi, j'ai vu pire. No, you haven't. Vous vous trompez. We're ready. Nous sommes prêts. We're gonna make you indestructible. Nous allons vous rendre indestructible. First, mais pour ce faire, nous allons devoir vous détruire. You remember what we were looking for in Africa? Vous vous rappelez ce que nous cherchions en Afrique? I remember. Je me rappelle. Well, I found it. Eh bien, je l'ai trouvé. It helped us create a metal compound so le matériau strong, nous a permis de mettre au point un alliage si dur que vous serez à même de résister à tout. Ou peu s'en faut. On l'appelle l'adamantium. I can't put Victor down myself, Logan. Je ne viendrai pas à bout de cette vermine sans vous, Logan. To kill him. Mais pour tuer Victor, you're gonna have to embrace the other side. Il vous faudra basculer de l'autre côté. Become the animal. Devenez l'animal. Let's do this. Allons-y alors. I almost forgot. J'ai failli oublier. I want new ones. J'en veux de nouvelles. What do you want them to say? Avec quelle inscription? Wolverine. C'était un extrait de Wolverine Origins de Gavin Hood, un film qui revisite les origines de Wolverine assez librement, parce que dans la bande dessinée, c'est assez différent. Et Aurélien Vivès, justement, d'où vient le personnage de Wolverine? Parce que j'ai l'impression que sa création a été bien plus compliquée que celle d'un Spider-Man ou d'un Batman ou d'un Superman. Je crois que c'est un peu le personnage où on peut lister le plus grand nombre de créateurs derrière la conception du personnage. De Roy Thomas, en fait, qui était le rédacteur en chef de Marvel, et qui a dit... J'ai envie d'un nouveau super-héros canadien, petit, trapu, on l'appellerait Wolverine. Et il laisse ce pitch-là à un scénariste, Len Wein, qui va du coup créer Wolverine. Le design du personnage, c'est John Romita Sr., donc qui a entre autres co-créé Mary Jane aussi, qui le crée. Mais lors de sa prochaine apparition dans X-Men, après ça va se... Giant Size X-Men. Voilà. Hein. C'est Jill Kane qui va refaire le masque, oui, sur la couverture. Masque qui ressemble à celui de Batman, avec noir, les grandes cornes, et puis les yeux qui ne sont plus visibles. C'est ça, donc différent en plus de son premier masque. On peut citer après, bien sûr, évidemment, Chris Claremont qui va le scénariser pendant des années et étoffer le personnage. Dave Cockrum qui va lui donner son apparence sous le masque, qui est le premier à le créer. Donc on voit. Et d'ailleurs, il y a une affaire plus ou moins cachée qui dit que Dave Cockrum est en fait le premier à avoir inventé le personnage, l'archétype de Wolverine, l'aurait présenté 2 ans avant à Roy Thomas. À l'époque, ouais, il était sur la Légion des super-héros chez DC Comics. Roy Thomas aurait oublié et aurait reproposé ensuite... Alors le personnage que Dave Cockrum avait proposé, en fait, c'était celui qui, après, sera réutilisé dans l'Imperial Guard et qui s'appelle Fang. Il y a peut-être eu un... Il a oublié, etc. Vu que Roy Thomas après propose vraiment l'idée d'un personnage canadien, etc. On s'éloigne de l'ambiance cosmique de Cockrum. Donc, de toute façon, ils sont très nombreux à avoir mis la main à la pâte sur la création du personnage. C'est vrai que c'est un personnage très composite. Même au début, lors de sa première apparition, normalement, ses griffes font partie de son costume, pas du tout. Oui, c'est un accessoire. Et il apparaît dans l'incroyable Hulk. Exactement. Et même une des premières idées de Claremont sur le personnage, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment un mutant dans le sens premier du terme, c'est vraiment un Wolverine, un glouton mutant qui ressemble à un humain du coup. Mais c'est une idée que Stan Lee justement dira non, ça a l'air un peu nul ça. On va plutôt partir sur autre chose. Et du coup même Stan Lee a un peu à participer. Oui, parce que l'animal qui a inspiré Wolverine, c'est le glouton qu'on retrouve dans les forêts canadiennes, qui a un autre nom qui est assez le carcajou. Voilà. Et il y avait initialement une envie soit de l'appeler Carcajou, enfin Wolverine, soit de l'appeler Badger. Et en fait, la sonorité de Badger ne lui plaisait pas. Mais finalement, comme tout se transforme et tout se récupère, il y a un personnage issu de Wolverine qui désormais s'appelle Honey Badger. Tout à fait. Qui est, si on doit faire son arbre généalogique, ça va être compliqué, mais on va dire qui est sa petite fille. Oui, voilà. Voilà. Heureusement qu'ils n'ont pas traduit littéralement, parce que Badger, si je ne me trompe pas, en français, c'est blaireau. Oui, c'est blaireau. C'est blaireau. Déjà, glouton, ça aurait pas. C'est, oui. Heureusement que ça n'a pas tenu. Et je crois qu'il y a une vieille édition française qui, sur un numéro ou deux, l'a appelé glouton. Mais heureusement que ce n'est pas resté comme ça. Parce que... Mais même sur le design fait par John Romita Sr., ce qui est intéressant, c'est de voir que quand il a fait le costume, il avait fait des moustaches de félin sur le masque et des toutes petites oreilles. Et quand ils ont fait Giant Size X-Men, ils sont revenus là-dessus parce qu'en fait, le glouton n'est pas un félin, donc il n'a pas de moustache de ce type-là. Et c'est juste qu'à l'époque, on se disait non, c'est sympa avec des moustaches. Et c'est ce qui explique pourquoi le personnage a changé. Et initialement aussi, ce que j'ai appris en préparant l'émission, c'est qu'ils avaient l'ambition de faire de Wolverine un jeune ado de 19 ans. Ouais. Et ce qui explique son caractère impétueux et le fait qu'il s'en prenne à Telon, parce qu'il est encore en fait dans une sorte de crise d'adolescence très. Mais c'est très d'ailleurs pour ça que quand Dave Cockrum le dessine pour la première fois sans son masque, et qu'il en fait quelqu'un de beaucoup plus âgé et pas un ado, justement, c'est presque un peu une révélation aussi pour le scénariste à ce moment-là, de justement réorienter le personnage sur ce côté baroudeur qui en a vu et énormément. Et donc, c'est là où aussi on voit la collaboration entre les scénaristes et les dessinateurs sur des choses comme ça. Il y a un processus créatif qui fait des allers-retours. Jean-David Morvan, d'après vous, vous avez eu la chance, le rare privilège pour un scénariste français de le mettre en scène. Qu'est-ce qui explique, selon vous, la popularité de Wolverine, de Serval sur la planète? Peut-être qu'ils ont remplacé la moustache par les roues flaquettes. Peut-être ça, la popularité, j'en sais rien. Non, je sais pas ce qui était vraiment bien, moi, quand j'ai lu que les X-Men dans Special Strange il y a fort longtemps. C'était marrant, c'était la structure des histoires. En fait, Wolverine, il avait qu'un rôle très rapide, c'est-à-dire qu'il fonçait sur le méchant, il se faisait assommer parce qu'en fait, il était trop dangereux pour pouvoir le garder dans l'histoire. Donc, c'était presque un personnage qui servait à rien, avec toujours le même rôle. Et pourtant, c'était celui qu'on préférait déjà. Peut-être qu'une des idées fortes de Wolverine, c'était de faire d'un super vilain un super héros. C'est-à-dire qu'en fait, il a un caractère de super-vilain. Dans le fond, il a le pouvoir d'un super-vilain. Et en fait, c'est quand même un héros. Je pense que c'est ça qui en faisait quelqu'un de vraiment charismatique. Oui, parce qu'il est aussi... Il a toujours été considéré comme très dangereux pour même ses camarades. Oui, oui. Et il y avait toujours peur que tout d'un coup, il rentre dans une de ses rages et qu'il se mette à zigouiller tous les membres des X-Men tout seul parce qu'il y avait un truc qui ne lui avait pas plu. Mais en fait, il était trop dangereux pour les histoires dans lesquelles il était. Et je pense que c'était ça qui était passionnant. C'était vraiment il y avait ce côté de frôler la limite et de voir aussi la limite d'ailleurs des histoires de super-héros de l'époque, là où il fallait s'arrêter en fait. Et on se disait avec Wolverine peut-être qu'on pourra aller plus loin. Et finalement les années suivantes ont donné raison, c'est-à-dire qu'on est allé plus loin. Mais c'est vraiment comme tu disais aussi tout à l'heure le marqueur d'une époque en fait. Ça évolue et c'est vrai qu'il a bien fait, il a bien évolué avec son époque ou il a tiré les super-héros un peu en avant de son époque, l'un ou l'autre. Alexandra Ramos, selon vous, qu'est-ce qui est attirant chez Wolverine ? Je pense que aujourd'hui, on parle beaucoup de la notion d'anti-héros, qui est un peu réutilisée, qui est des fois pas forcément mis à profit. Typiquement, Loki est un anti-héros aujourd'hui, alors que c'est censé être un vilain. Mais à l'époque où il a été pensé, c'est un anti-héros. Il est complètement dans la dualité entre le bien et le mal. Lui-même, quand on parle du fait qu'il est dangereux, il est aussi dangereux pour lui-même. Il a une sensibilité, une agressivité. Et je pense que c'est ça aussi qui le caractérise. Plus qu'un vilain ou un héros, c'est un anti-héros. On sait jamais sur quelle ligne il va être, quoi. Robert Ospion, on se connaît depuis de nombreuses années, et depuis de nombreuses années, je sais que vous avez un rapport très particulier à Wolverine Serval. Donc, comment ça s'est passé, votre rencontre avec ce personnage ? En fait, je crois qu'il a toujours été un peu dans la périphérie des comics que je connaissais au départ un peu superficiellement. Mon véritable amour pour les comics est né avec le film X-Men en 2000. C'est le film qui m'a donné envie de m'y remettre, ou en tout cas de m'y mettre vraiment sérieusement. Et inévitablement, j'ai eu un gigantesque man crush sur Hugh Jackman en voyant le film. Et donc déjà dans le film, c'était mon personnage préféré. Et il y a effectivement le fait que, comme ça a été évoqué par les gens à table ici, il a ce côté, pour utiliser un terme désuet, un peu bad boy, un peu d'être le rebelle dans le groupe. Donc forcément, on peut aisément s'identifier. Enfin, on gravite plus aisément vers ce type de personnage-là que le côté bien rangé leader de Cyclope. Et effectivement, pour tout ce qui peut avoir de dangereux, je me rappelle d'un ami qui me disait que son fils ne voulait se déguiser que dans des personnages de méchants, comme Dark Vador, par exemple, et qui se posait la question de savoir pourquoi, en fait. Et je pense qu'il y a cette envie de jouer avec l'interdit, de jouer avec les codes. Et c'est vrai que quand on voit quelqu'un qui fait plus figure d'assassin, dont le pouvoir effectivement a quelque chose de très létal, c'est un mec avec des lames qui lui sortent des mains, c'est pas un blast optique, c'est pas juste une petite télékinésie où je te glace par-ci, où je suis juste très fort et je fais des acrobaties. Enfin, chacun est mortel, et Jean Grey est bien plus puissante au fond que Wolverine. Mais le fait d'avoir ça, d'avoir ce côté anti-héros, ce côté dangereux, ce côté bad boy, fait que voilà, il a quelque chose de tout de suite un peu attirant, en plus ensuite d'avoir sa backstory tragique qui le rend du coup infiniment infiniment touchant. Parce que c'est ça, en fait, on veut tous avoir le mec qui défouraille tout, super badass, qui va du coup, on sait qu'effectivement s'il est largué dans une scène d'action, il peut tout défoncer, mais en même temps on a aussi effectivement envie qu'il ait un grand cœur, un trauma, un drame qui guide sa vie, quoi. Mais comme l'a dit Jean-David Morvan, c'est vrai que Wolverine est souvent associé à l'idée de guerrier badass, etc. Mais c'est aussi un des super-héros qui a été le plus souvent présenté en échec, se prenant énormément de raclées, même dans sa chair, etc. Son pouvoir auto-guérisseur fait que ça facilite justement le fait qu'on puisse le montrer criblé de flèches, des fois déchiré en deux, etc. Mais pour un personnage aussi accompli en tant que guerrier, il a souvent été mis en échec, et même dans les premières aventures des X-Men, c'est souvent lui qui est jarté en premier, parce que il a bondi sur le vilain, et bien hop, toi tu dégages. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très paradoxal dans la conception qu'on peut avoir du personnage aujourd'hui. Aurélien Vivier, c'est vrai qu'il a évolué même en termes de représentation. Au début, il était vraiment utilisé comme une sorte de tête à claque de l'équipe. Oui, l'évolution au fil du temps, elle est vraiment marquée. Peut-être c'est un de ceux qui évolue le plus. Il a un rôle de perturbateur vraiment au début. C'est celui qui va engueuler le chef. C'est celui qui va être toujours dans l'opposition. C'est d'ailleurs celui qui va être dans le triangle amoureux justement aussi avec Cyclope et Jean Grey. Et petit à petit, en fait, cette position est pas tenable sur des décennies d'écriture. Hein, c'est aussi ça. La tête brûlée, bon, ça va un moment, mais vu qu'on le présente aussi comme un vétéran, il y a un moment où il faut commencer un peu à amender ça. Et d'autant que quand les X-Men ont été créés, la deuxième équipe beaucoup plus internationale pour aussi séduire un lectorat plus mondialisé, il y a aussi d'autres fortes têtes dans la même équipe, c'est-à-dire qu'il y a Thunderbird, l'Indien, qui a peu ou prou exactement les mêmes pouvoirs que Wolverine. C'est un pisteur, il a des sens hyper développés, et c'est d'ailleurs ce qui explique, c'est le côté redondant avec Wolverine qui fait que dès le premier épisode, bah, Thunderbird, ciao bye bye quoi. Ouais, et, mais après justement, il y a au fur et à mesure, vu le succès de Wolverine, il y a aussi d'autres personnages badass, qui s'oppose à l'autorité, etc., qui intègre la fresque. Et c'est vrai que petit à petit, il prend une place de vétéran et en fait un peu de pilier sur le long terme, qui va être plus taciturne et maugré dans son coin que vraiment en opposition frontale avec le reste de l'équipe. Et justement, par rapport à cette longue histoire de Wolverine, j'ai envie de vous demander quel est votre passage de historique préféré de Wolverine, Jean-David Morvan. Moi, c'est le tout début de Days of Future Past, parce qu'une nouvelle fois, il attaque et il est mort. Et ça, c'était, ça, c'était quand même impressionnant. Il est détruit par une sentinelle. Ouais, c'était assez génial. Et voilà, pour moi, ça, c'est le moment le plus cool de Wolverine, parce qu'en plus, on le voit vieux. Donc c'est la surprise, ça c'était vraiment bien. Mais je pense que scénaristiquement, c'est son pouvoir. Il faut expliquer aux auditeurs que Days of Future Past, c'est un futur alternatif dans lequel les sentinelles, ces robots géants qui chassent les mutants, ont gagné. Les mutants sont enfermés dans des camps et Catherine Pride, Kitty Pride et Logan font partie des derniers survivants à occuper un rôle de résistant. Et cette saga commence sur la disparition de Logan qui se fait pulvériser, il ne reste que son squelette en adamantium. Ça, c'était bien de voir son squelette entier en plus, c'était cool. Ça reste un truc de gamin, mais c'était vraiment impressionnant. Et je pense que, comme je disais tout à l'heure, finalement, quand on a un personnage comme Wolverine qui est à la fois très dangereux et qui en même temps est immortel, alors que là il est mort, mais bon, mais qui est immortel grâce à son pouvoir, alors on est obligé de creuser autre chose dans le scénario. Donc c'est aussi le fait qu'il soit comme ça qui fait qu'on est obligé de creuser sans doute une relation, une psychologie, quelque chose. Sinon, le personnage, il est plus intéressant parce que il est, c'est un bloc, quoi. Donc, il fallait creuser dans le bloc. Et c'est pour ça que je pense que les scénaristes ont beaucoup creusé dessus parce que, en fait, ils pouvaient pas faire autre chose, tout simplement. C'était l'utiliser comme tel. Ça, au bout d'un moment, ça devient redondant et chiant. Et donc, ça devient un cliché sur pattes, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, je pense, c'est ça qui donne la richesse du personnage. Après, qu'on soit fan ou pas de toute sa vie, de tout ce qui est arrivé, de toutes les inventions, c'est quand même pour ça qu'il est intéressant, parce que tout le monde a creusé dedans. Alexandra Armos ? Moi, ça va être tous les passages où il est au Japon, où il rencontre une des femmes qui a marqué sa vie, Mariko Yoshida, qui ont failli notamment se marier, et qui clairement le dit, c'est un samouraï manqué. Et j'aime beaucoup l'idée que finalement, l'adamantium qui sort de ses doigts, c'est aussi des épées. Il y a la notion de sang. D'ailleurs, il y a une très belle collection qui est sortie chez Panini Comics de Black, White and Blood, où on comprend en fait que le sang c'est fait partie intégrante de ce héros-là. Et donc vraiment tous les passages au Japon, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Oui, c'était dessiné par Paul Smith à l'époque. C'est le mariage avorté avec Mariko Yoshida, qui est magnifique. Et en plus, Paul Smith qui amène un graphisme qui est beaucoup plus épuré, avec des lignes plus fluides que John Byrne, qui nous avait habitués à quelque chose de beaucoup plus fouillé. Il apporte une sensibilité au héros qu'on retrouvait pas avant, qui avait une sorte quelque chose de plus. Mais c'est l'arrivée de Malicia de Rogue aussi dans l'équipe. C'est le premier spécial Strange que j'ai lu de ma vie à 6 ans. Ouais, c'était mon oncle qui me l'avait donné. Je me souviens parfaitement de ce numéro. Ça a été, c'est là que tout a basculé. Mais c'est Frank Miller qui l'a dessiné au Japon, si je me souviens. Oui, la mini-série qui précède justement l'arrivée de Paul Smith, c'est Frank Miller avec Chris Claremont. Justement parce que Claremont a toujours eu une ambiguïté vis-à-vis de Wolverine, parce qu'au tout début, quand il collaborait avec Dave Cockrum, l'un comme l'autre n'étaient pas des grands fans de Wolverine, et ils avaient même projeté de faire disparaître le personnage. Et c'est John Byrne qui, quand il a repris le dessin, étant lui-même canadien, qui a dit « Non, non, vous n'allez pas me virer le seul Canadien de l'équipe, laissez-moi faire », parce que comme c'était la Marvel Way, c'est-à-dire c'était une époque où les dessinateurs avaient énormément d'importance vis-à-vis du scénariste, parce que c'était eux qui composaient les pages, et ensuite le scénariste pour rajouter les dialogues, c'est John Byrne qui a pris sur lui de rendre Wolverine de plus en plus charismatique pour faire en sorte qu'on ne puisse plus... Et sympathique aussi. Et plus sympathique, et qu'on ne puisse plus s'en débarrasser. Donc en fait, il a eu de nombreux papas, Wolverine. Robert Ospian, le moment préféré là, de l'histoire de Wolverine. Ce serait probablement l'arme X, en fait, Weapon X, parce que justement, il y a, pour rejoindre quelque chose que vous disiez un peu plus tôt, c'est son côté martyr. En fait, le fait qu'effectivement il ait constamment été mis en échec, mais également mis à mal, et tout l'arc Weapon X, donc, qui va montrer comment est-ce que ils ont expérimenté sur lui pour lui greffer donc ce squelette en adamantium, appuie sur ce côté tragique qu'il peut avoir, ce côté souffrance qui dégage constamment le personnage. Et donc de voir enfin une mini-série qui allait explorer donc du coup l'origine de son squelette en adamantium, ça c'était vraiment à l'époque où voilà les aujourd'hui et surtout grâce au cinéma les origin stories, les préquels sont légion, donc on est un peu habitué, mais de pouvoir voir à l'époque cette révélation sur comment c'était arrivé, c'était quelque chose d'assez fort. Et ce qui est d'ailleurs fou, c'est que on s'interrogeait longtemps sur le passé du personnage, mais quand Barry Windsor Smith l'explique dans l'Arme X, il a l'intelligence de montrer que l'opération où on lui greffe l'adamantium, mais on ne sait toujours rien de qui était véritablement Logan avant tout ça, donc c'est une révélation sans en être, c'est juste qu'on comprend comment il a été constitué, mais le mystère reste entier même à la fin de ce roman graphique qui est hallucinant, parce qu'en plus c'est vraiment Barry Windsor Smith qui sort de Conan avec son trait particulier, et ça cassait tout ce qu'on avait l'habitude de voir en production mensuelle de comic book de l'époque. Aurélien Vivès. Alors, je suis content qu'on ait parlé de la mini de Miller et de l'arme X, comme ça me laisse... J'avais une liste, j'en avais plein, donc je vais citer, donc voilà. Mais moi je crois qu'un de mes gros coups de cœur modernes, c'est la saga Ennemi d'État de Mark Millar et John Romita Jr., qui est un petit peu le blockbuster ultime en termes de BD. C'est là on creuse pas la psychologie comme dans les autres, on est vraiment dans le truc d'action, et tu disais il faut préciser aux auditeurs que c'est un moment où Wolverine a été décérébré par la main une troupe de ninjas maléfiques, et utilise Wolverine comme un assassin contre tous les super-héros et il y arrive. Et c'est ça, c'est vu que à ce moment-là on est dans les années 2010, c'est un personnage qui du coup a collaboré avec tous les super-héros, mais il connaît leurs secrets, et en ayant été retourné par une organisation maléfique, il n'a plus aucune limite, et là on a vraiment le côté barbare du personnage, et voilà, c'est vraiment au niveau psychologique, là on est quand même un grand cran en dessous, hein, y a pas à dire, mais niveau action, c'est vrai que c'est un plaisir immense, quoi, je trouve. Ah mais le comic book, c'est aussi ça, c'est aussi des moments un peu cérébral, puis des moments où ils se mettent des patates, on est content. La bagarre. Lorsque Logan, ce chef-d'œuvre de James Mangold, est sorti en 2017, la bande-annonce était accompagnée de la magnifique chanson Hurt de Johnny Cash, qui lui va comme des griffes. On l'écoute immédiatement. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way. Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter. Alors, qu'est-ce que ça te fait, mon pote? Why did you come? Tu es revenu pourquoi? You cut me open. Coupé en morceaux, tu m'as volé ma vie. Je ne t'ai rien volé du tout. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? As I recall, it was you who volunteered for the procedure. Je crois me souvenir que tu étais volontaire pour l'opération. Qui je suis? You. Toi? I just a fail. T'es une expérience qui a mal tourné. If you really knew about si tu connaissais vraiment ton passé, what kind of person you were, si tu savais quel bonhomme tu étais, the work we did together, le travail qu'on a fait ensemble, people don't change. Personne ne change, Wolverine. You're an animal then. T'étais une bête à cette époque-là. You're an animal now. T'es une bête aujourd'hui. I just gave you claws. Y a que les griffes que je t'ai données. Alors Wolverine est un assassin que le professeur Xavier voulait initialement tenir à l'œil, et c'est donc pour ça qu'il l'a intégré dans l'équipe des X-Men. Mais comment on explique qu'un personnage, effectivement, comme on l'a dit, qui a des griffes, qui tue de manière expéditive, se retrouve dans une école pour jeunes mutants qui doivent apprendre à vivre pacifiquement avec les humains. Je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas une forme d'hypocrisie chez le professeur Xavier, c'est-à-dire je sais que je rêve, mais j'ai besoin de quelqu'un qui va faire en sorte que personne ne me réveille. Et qu'en fait Wolverine soit un peu là pour ça. Donc est-ce que c'est vraiment pour le surveiller ou une autre forme de manipulation qui s'est exercée sur le personnage? C'est une question intéressante. Je me demande surtout s'il n'y a pas aussi un côté un peu challenge, c'est-à-dire c'est Wolverine, c'est le personnage qui justement est déjà plus vieux, est devenu un tueur, a été manipulé, etc. et tout ça. Pour Xavier, s'il arrive à sauver Wolverine de sa sauvagerie et de son passé, il a réussi son boulot de prof justement Xavier est un idéaliste, donc pour lui, il faut sauver tout le monde et chacun a sa place. Et pour Wolverine, il doit aussi trouver sa place en tant que héros, en tant que mutant, en tant que peut-être mentor par rapport à l'équipe. Peut-être qu'il envisageait déjà de voir une sorte d'éducation pour les enfants avec lui. Donc, puis il faut dire qu'au au moment où il recrute, à ce moment-là, il y a la première équipe de X-Men qui s'est fait capturer et il recrute un peu ce qu'il trouve. Hein. Il y a aussi ce côté-là, il faut dire. Ces mutants à lui, c'est ceux qui disent oui. Hein. Oui, voilà. Robert. Mais voilà, en fait, comme c'est de base, c'est un peu un loup solitaire au départ. Donc, quand il bosse pour le département H, cette fois, il est envoyé en solo pour empêcher Hulk et Wendigo donc de se battre dans sa première apparition. Et bah, le fait d'essayer de l'intégrer dans une équipe et dans une école et donc, effectivement, en plus de voir le parcours qui va le mener à non seulement rester, mais ensuite même devenir professeur, etc. C'est effectivement effectivement, comme le dit Alexandra, l'idéalisme, l'idée de pouvoir le réhabiliter. C'est-à-dire qu'effectivement, si on peut le sauver, lui donner une famille à tous ces personnages qui sont ostracisés, qui se sentent seuls, isolés, tout ça. Quel meilleur représentant, en fait, que ce loup solitaire qui, justement, se dit « Moi, j'ai besoin de personne, je vais vivre dans la forêt », comme il l'a fait plusieurs fois au cours de son histoire. Réussir à l'accueillir, c'est la preuve qu'il y a un endroit pour ces gens dans le monde. Jean-David Morvan, quand vous avez réalisé avec Philippe Boucher Sodade... Il s'appelle Boucher aux États-Unis. Ils ont publié le comics avec Philippe Boucher. D'accord. Donc est-ce qu'on... du coup, nous, on peut continuer de l'appeler Boucher ? On fait comme on veut. Ok. Et qu'est-ce que vous avez voulu mettre en avant dans cette histoire et quel élément du personnage vous a vraiment intéressé ? Parce que c'est une histoire qui se passe dans les favelas. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a une violence évidemment, qui est lié au personnage dans ses griffes et dans ses combats, mais aussi une violence sociale qui est très très très très présente. Bah c'est tout ça, j'ai plus rien à dire. T'as répondu en fait. Non, mais le titre c'est Saudade, c'est une sorte de en brésilien, ça se traduit pas vraiment, mais c'est une sorte de nostalgie d'une chose qui n'a pas existé. La Saudade, c'est un peu comme ça. Et l'idée, c'est... Enfin, en portugais... C'est un petit peu comme quand Éric Zemmour parle de la France. C'est ça, exactement, c'est ça. C'est ça. Avec des rouflaquettes, oui. Toujours. Ouais, c'était ça. Je voulais qu'il soit non pas confronté, mais qu'il soit en vacances dans un endroit qui a l'air cool, puisque Fortaleza, c'est une belle ville, mais qu'il arrive évidemment dans l'endroit le plus fou de Fortaleza, qui s'appelle Pirambu, qui a été longtemps la favelle la plus dangereuse du Brésil, que j'ai eu la chance de visiter, de rester longtemps là-bas, après Wolverine. Et je voulais le confronter avec cette violence-là, cette violence sociale. Et en même temps, je voulais incorporer un personnage qui n'existe pas dans la série et qu'aurait pu intégrer les X-Men et qui, à cause de toute cette histoire, n'a pas pu. Et c'était ça l'idée, c'est l'idée de raconter l'histoire d'un personnage absent qu'on peut voir... en arrière-plan, qu'on voit pas avant, que j'ai réimaginé, qui nettoie les vaisseaux et qui les répare, et qui aurait pu avoir un avenir formidable et qui crée de la Saudade chez Wolverine. Donc c'était ce mélange-là qui m'intéressait. Ça, et puis là, on avait le droit incroyable de faire du sang rouge, ce qui était, en tout cas à cette époque, interdit par les Américains. Je me souviens, quand on avait montré les planches à Jim Lee, il avait trouvé génial qu'on puisse mettre le sang rouge. Pour eux, c'était le plus impressionnant. Donc voilà, c'était tout ça que je voulais raconter, mais quand Panini m'a proposé ça, ça devait être une collection avec beaucoup d'auteurs français. Je sais pas pourquoi on a été presque les seuls à faire finalement ce bouquin sur Wolverine. Je sais qu'il y avait plusieurs autres équipes d'auteurs qui avaient dit oui. Nous, on a réussi à le faire. Ça a été très long, c'était très compliqué, mais ouais, je suis très fier d'avoir. Finalement, c'est un rêve qui s'est réalisé avec un autre personnage aussi taciturne, loquace et badass, qui est Conan le Cimérien. Oui, tout à fait. Là, moi, ça vient plus. Non, j'allais dire ça vient plus des romans, mais non, c'est une connerie. Quand j'étais gamin, je lisais les Conan de comics, les comics de Conan, oui. Et c'est quand même ça qui m'a donné envie de faire Conan après avoir lu les livres. Oui, c'est un. Ils peuvent être frères, je crois. Ils sont pas tous les deux dans cette espèce de truc improbable de mélange. Savage Avengers. Ouais, c'est ça. Là, il y a un peu, mais c'est il y a un peu un fourre-tout. Hein. Oui, je l'appellerais comme ça aussi. Ouais. C'est là, tu sens vraiment qu'il y a une licence. On a des droits. J'ai appelé cette série. On a des droits. On a plus d'idées. Voilà, ils balancent beaucoup de choses. Et alors, j'aimerais revenir avec vous sur quelque chose qui a déjà été évoqué dans cette émission par Robert Ospian, sur le côté martyr de Wolverine. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui me semble très important, c'est que c'est un des rares, si ce n'est le seul super-héros à avoir subi un abus, mais physique très très fort et matriciel. C'est-à-dire que, évidemment, il a perdu des proches, comme Spider-Man a perdu son oncle, Batman a perdu ses parents, mais lui, non seulement il a été victime de pertes et de tragédies comme ça, humaines, mais son corps a été, le mot est fort, hein. Alors évidemment tout de suite on va me dire c'est une connotation sexuelle, mais son corps a été violé, on l'a enlevé et on a injecté de force de l'adamantium en lui. C'est un des personnages qui a le plus souvent été dépossédé de son libre arbitre, d'ailleurs se transformer en animal. Dans l'arme X, on le voit, il est complètement nu, juste avec un casque, pour éliminer les ennemis que le département H aura choisi. C'est une sorte de Mengele, le docteur Cornelius qui a fait cette opération sur lui. Il y a quelque chose, je trouve, de l'ordre de la victime et de la résilience très très fort chez Wolverine, bien plus que chez d'autres. Et c'est paradoxal de voir que c'est justement un personnage très badass, très viril, etc., mais qui est surtout, pour moi, une victime, en fait, une victime d'abus. Et je voulais avoir votre opinion là-dessus. C'était moi qui délirais ou... Non, mais je pense qu'en fait, son set de pouvoir de base, le fait de régénérer, de pouvoir survivre à tout, en fait, un peu, fait que... on peut lui faire subir ça. Et du coup, c'est à la fois... chez les scénaristes, c'est une possibilité qui s'ouvre et qui est beaucoup plus facile que sur n'importe quel autre perso qui, pour subir des expériences aussi horribles, aurait de grandes chances de mourir, etc. Et je pense qu'il y a toute l'ambiguïté du personnage qui, là, est mise dès le départ sur sa bestialité, qui fait que... Il y a aussi peut-être, alors après, là, pareil, c'est peut-être moi qui délire, mais il y a peut-être quelque chose sur l'expérimentation sur les animaux et les choses comme ça qui, par on va dire proximité scénaristique, infuse ça. Je sais pas, après, encore une fois, chacun peut y mettre ce qu'on veut. Robert Ospion. En fait, l'autre chose permise par son pouvoir, c'est qu'effectivement, du coup, Wolverine est là depuis très très longtemps. C'est quelqu'un qui a traversé l'histoire, qui a traversé les âges, et inévitablement, quand on traverse les âges, on traverse les guerres, on traverse toutes les horreurs que ce monde a connues. Et il devient un peu, donc non seulement un témoin de cette horreur, mais également une victime. Et au-delà de l'expérimentation sur les animaux, c'est un personnage, tout comme le personnage de Magneto, et comme ça a été très bien montré, notamment dans les films, qui a connu effectivement les pires exemples de la discrimination dont est capable l'humain. Si les mutants donc sont les symboles de toutes les personnes qui peuvent être considérées comme opprimées, le voir lui donc mis à mal, expérimenté donc comme tu l'as dit par un docteur Mengele, il y a même une célèbre couverture et un célèbre numéro où il est crucifié sur une croix qui est en fait un X. Et dessiné par Marc Silvestri. Voilà. Et donc, on peut pas faire plus analogie plus parlante que cette image-là. Donc oui, il est la grande figure tragique de l'univers des X-Men, peut-être même de l'univers des comics, de par le fait qu'il ait traversé le temps et qu'il ait pu, oui, souffrir aux mains de nombreuses personnes mis à mal, comme seul peut le permettre son pouvoir lui. Alexandra Ramos ? Je ne peux pas mieux ajouter que ce qu'il vient de dire. Et finalement, le côté badass que tu mentionnais tout à l'heure, c'est lui une sorte de façade aussi pour mieux assumer aussi tous les traumatismes qu'il a vécu. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on aime s'identifier à lui, on aime s'attacher à lui, parce que lui a vécu des choses qu'on pourrait peut-être aussi vivre. Quand tu mentionnes le fait d'être violé, finalement, pour certaines femmes ou pour certains hommes, se dire ok, les héros, c'est pas que des personnes qui ont des super pouvoirs et qui traversent immeuble et immeuble avec ses toiles, c'est pas juste des personnes qui peuvent résoudre des grandes guerres, c'est aussi des personnes qui ont vécu des choses que nous on peut vivre dans notre quotidien. Parce qu'en fait, en refaisant le parcours, en refeuilletant tous les grands arcs scénaristiques de Wolverine, ce qui m'a apparu, c'est, alors qu'on parle souvent de Jean Grey comme de ce personnage phénix qui meurt, qui revient, qui ressuscite et tout ça, Wolverine est mort plus souvent que Jean Grey est revenu, c'est-à-dire que ça soit dans des univers alternatifs ou parallèles, Wolverine ne cesse d'être présenté comme quelqu'un qui meurt, mais il meurt projeté dans le soleil, on le noie, on le met dans une statue d'adamantium, on lui retire son adamantium, on lui remet. C'est assez hallucinant de voir à quel point le corps de Wolverine en comic book ressemble aux pires versions sous stéroïdes de La Passion du Christ de Mel Gibson dans la manière de montrer les scarifications et c'est ça qui m'a marqué en fait, et je me suis dit, est-ce que le côté badass de Wolverine, c'est pas forcément dans son côté guerrier, mais plus dans sa capacité à encaisser? Ouais, je pense que c'est assez vrai. Ce qui est assez marrant sur son pouvoir de régénération, c'est qu'il a été augmenté au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire au tout début on ne savait pas qu'il en avait. Après on s'est aperçu que il guérissait plus vite que les autres, mais c'était une blessure lui prenait quand même quelques heures à guérir. Et puis progressivement les blessures sont devenues de pire en pire et les guérisons de plus en plus spectaculaires. Et c'est vrai que pareil là, une fois qu'il y a une porte qui est ouverte, parfois c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et voilà, mais c'est vrai qu'il y a un côté sur la résilience du personnage, sur le fait de le voir s'en prendre plein la gueule, hein, et de le voir justement surmonter ça, qui est quelque chose de très héroïque aussi. C'est un trope quand même et un gimmick des super-héros, le dépassement de soi. Et c'est vrai qu'avec un personnage qui peut guérir de ses blessures, on peut lui faire des dépassements de soi qui sont encore plus fort que d'autres personnages. Et d'ailleurs, ce facteur auto-guérisseur, c'est aussi ce qui a expliqué ça a été utilisé par certains scénaristes comme une explication concernant ses pertes de mémoire et le fait qu'on ne sache rien. C'est qu'en fait, ses traumatismes, ses traumas auraient été tellement importants que son pouvoir guérisseur aurait considéré ça comme une blessure de plus et donc l'aurait guéri des souvenirs traumatisants. Et je trouvais qu'il y avait une sorte de jolie métaphore autour du personnage. Le corps et l'esprit qui corps et esprit, voilà. Et alors, il y a aussi, évidemment, toujours dans l'ordre de la tragédie chez Wolverine, c'est le nombre de femmes dont il était amoureux qui sont mortes dans ses bras. Et je me suis toujours demandé, est-ce que c'était vraiment dans l'écriture d'un scénariste quelque chose pour transformer Wolverine en une sorte de figure antique? Comme ça, maudit, tu ne connaîtras jamais l'amour, point. Ou est-ce que c'était justement ce trope, ce schéma qu'on retrouve un peu trop souvent des fois dans les bandes dessinées, genre pour montrer que le personnage doit avancer, on va tuer sa copine. Les Américains appellent ça Girls in a Fridge. C'est Gail Simone. Voilà. Et donc là, je voudrais m'adresser à Jean-David Morvan. Je dirais que trop de morts tue la mort. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça tourne un peu en rond, on est un peu lassé, donc aussi bien pour les morts de Wolverine que pour les morts de ses petites amies. Donc je pense qu'il faut vraiment être un très bon scénariste pour réussir encore aujourd'hui à émouvoir sur la mort d'une petite amie de Wolverine, mais il n'y a pas de problème, il y a encore plein de très bons scénaristes qui travaillent aux États-Unis. Ce qui me semble intéressant sur ce nombre de morts, et puis surtout pour extrapoler sur l'histoire de Wolverine, c'est qu'on parle un peu depuis le début comme si on connaissait ses origines depuis la création du personnage, mais ce qui est vraiment intéressant et ce qui est vraiment, je pense, marque la force de ce que sont les comic books, c'est que c'est des scénaristes successivement qui ont apporté, on l'a dit tout à l'heure, qu'ils ont apporté des couches, mais au fur et à mesure, on savait quasi rien de ce personnage et aujourd'hui, on en parle comme si on connaissait son passé depuis toujours. Mais il se peut très bien que dans un an, il y ait un nouveau pan super important du passé de Wolverine qui arrive et qu'on le connaisse pas encore aujourd'hui. Et c'est marrant comment le futur va nous apprendre le passé. Et je trouve ça vraiment intéressant scénaristiquement. Ça n'existe presque qu'en comics, puisque en fait c'est des nouvelles personnes qui reprennent le personnage à chaque fois et qui vont ajouter quelque chose, parce que en fait je pense que on va dire l'hygiène du scénariste un peu consciencieux, quand on lui donne quelque chose qui préexiste, c'est de rajouter sa propre patte. C'est un peu, je dirais, en science-fiction, on peut très bien reprendre tout ce qui existe déjà en science-fiction, les pistolets laser, les trous noirs, etc., et refaire la même chose. Mais la différence avec les gens qui veulent vraiment faire leur métier, c'est qu'ils ajoutent quelque chose de personnel qui peut éventuellement devenir aussi quelque chose qui va devenir un jouet pour les autres. Et c'est ça qui est fort avec Wolverine, et je trouve que c'est un exemple très marquant de réussite scénaristique du comics américain. C'est que, en fait, tous les scénaristes qui arrivent reprennent les bonnes idées de Wolverine et les transforment encore un peu pour rajouter quelque chose. Et c'est à ça qu'on voit une bonne histoire de Wolverine, parce que ça pourrait, il y en a plein qui sont redondantes, qu'on a déjà lues et dont on se fout. Et une fois de temps en temps, il y en a une qui est géniale et qui peut encore nous émouvoir avec la mort d'un personnage proche de Wolverine. C'est assez impressionnant. Oui, je me souviens d'ailleurs sur le registre des petites histoires qui ne paient pas de mine, mais qui finalement qui racontent quelque chose qui a déjà été vu mille fois, mais ils le font bien. Je me rappelle de Blood Debt avec Steve Scross, le dessinateur du storyboard de Matrix, qui avait fait une mini-série sur Wolverine où il s'était fait plaisir en dessinant Wolverine contre des tonnes et des tonnes de ninjas, et c'était absolument c'était grandiose. C'était quelque chose qui avait déjà été vu. Mais il est arrivé et il a fait quelque chose de complètement nouveau. Et c'est, Et c'est d'ailleurs ça qui est intéressant aussi avec le personnage, c'est que on a un Wolverine agent secret, on a un Wolverine cow-boy, on a un Wolverine samouraï, on a un Wolverine qui est officié au sein des Avengers au moment où Brian Michael Bendis a repris. Et j'ai vraiment l'impression que plus que d'autres personnages qui sont prédéfinis par l'environnement dans lequel ils sont, c'est-à-dire Spider-Man c'est quand même New York, des gratte-ciels et tout ça, Gotham City c'est pour Batman, j'ai l'impression que Wolverine, techniquement, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse ne pas faire avec le personnage. C'est-à-dire, si on a envie de l'envoyer à l'autre bout de l'univers, se battre contre des aliens, les broods, et se faire un petit trip alien personnel, on peut. Et si on veut lui donner des pouvoirs cosmiques pour se faire une saga à Jim Starlin, on peut aussi, parce que c'est ce que fait Jason Aaron en faisant de lui le phénix. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la polyvalence chez ce personnage. Je ne sais pas si vous le ressentez pareil. Je pense que Wolverine, en fait, dans les personnages de comics les plus connus, c'est en effet celui qui a le plus de facettes, le plus de malléabilité pour le scénariste. Et je pense qu'en fait, c'est à la fois une force et une faiblesse, ou plutôt une épée à double tranchant, parce que justement, il y a un tel éventail de choix possibles que c'est facile de se perdre et de soit refaire quelque chose qui a déjà été fait, soit d'aller un peu n'importe où, etc. Réussir à écrire une bonne histoire de Wolverine qui à la fois respecte le personnage et réussit à apporter quelque chose, c'est peut-être pas aussi facile, je trouve, qu'avec d'autres persos, mais il a une richesse et un nombre de facettes qui sont assez incroyables. Je me rappelle d'un moment justement où on avait à la fois d'un côté la série Wolverine and the X-Men de Jason Aaron, où on voyait son côté prof, mentor, etc. Et de l'autre côté, en même temps, était publié Uncanny X-Force de Rick Remender, où c'était l'équipe d'assassins des X-Men et où donc il allait faire du boulot d'assassin, hein. Voilà. Et donc c'est vrai que en même temps, on avait deux séries qui étaient complètement à l'opposé et qui en plus sont deux séries excellentes. C'est-à-dire qu'à la fin des cours, on se disait waouh, mais qu'est-ce que tu fais quand tu corriges pas les copies. J'ai vu ce que tu fais. En plus, les scénaristes bossaient ensemble, donc il y avait des clins d'œil à l'une et l'autre série dans les deux, et voir un personnage qui n'est pas tué dans la série Uncanny X-Force parce qu'ils n'ont pas le cœur de le faire et qui donc intègre l'école en parallèle, des choses comme ça. Et du coup, c'était vraiment un petit âge d'or pour Wolverine, dans le sens où on avait justement plusieurs facettes qui étaient extrêmement bien utilisées en même temps. Alexandra Ramos, sur cette versatilité chez le personnage, est-ce que pour vous c'est un plus ou un moins Clairement, c'est un plus. On l'a dit tout à l'heure, de toute façon, il y a eu énormément de passages au niveau des auteurs. Et finalement, les passages, ça a été sur son caractère, ça a été sur des définitions physiques, sur l'adamantium ou pas. Est-ce que ça sort de ses mains? Est-ce que ça sort des gants aussi? Ça a été pensé. Par rapport à d'autres héros, ou par exemple Batman, typiquement dans son origin story, on sait qu'on est sur Gotham, on sait qu'on a des parents perdus, on sait qu'on a un manoir, on sait qu'on a Alfred, et on est coincé sur ça. Après, on peut avoir des comics comme Future State qui prend un peu d'indépendance, mais on retrouve quand même ses bases. Wolverine, non, on n'a pas de situation géographique, on n'a pas forcément exactement de Boy Scout à côté de lui, on n'a pas de Robin, donc on peut faire ce qu'on veut. Moi, je trouve ça super. Il a eu ses Robin, c'est des jeunes filles. Ça peut changer, ça peut évoluer. Moi, je trouve ça super parce qu'il y a tendance quand même si les scénaristes et de très bons scénaristes passent, une redondance sur certains héros et sur certains trames scénaristiques. Et lui, il peut aller partout. L'histoire des aliens, il faut le vendre. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait avec les Broods et Dave Crocom. C'était leur version à eux d'Alien. Et c'est d'ailleurs là-dedans que celle qui est connue du grand public sous le nom de Captain Marvel devient Binary. Et attrape ses pouvoirs cosmiques. Tous les super-héros que vous connaissez aujourd'hui, Hulk, Captain Marvel, sont de près ou de loin liés aux X-Men à un moment donné, tellement ils étaient importants pour l'univers Marvel. Robert Ospian, sur le visage protéiforme de Logan. En fait, le fait que ce soit à la fois, cet archétype en fait qu'il est, ce côté anti-héros, ce côté justement solitaire, c'est notamment ce qui permet en fait de pouvoir le mettre dans des aventures dans d'autres genres. Si je me trompe pas, enfin c'est pas le seul, mais si je me trompe pas, c'est le premier X-Men à avoir eu ses spin-offs en solo, et notamment la série continue, celle qui avait commencé avec Buscema. Et donc effectivement, on peut. C'était magique. Hein. Oui, voilà. C'était magique. Lui aussi sortait de Conan. Brosnan et c'était Sienkiewicz qui faisait l'ancrage. C'était magnifique. Et le fait donc de pouvoir le prendre et de le mettre en solo et de se dire bon bah ok, maintenant qu'il sort de l'équipe, qu'est-ce qu'il fait? Bon bah là il est gangster à Madripoor, il porte un bandeau sur l'œil. Bon bah là maintenant il est, c'est plus effectivement un cowboy. Avoir Oldman Logan où on est effectivement dans du western post-apocalyptique, tout ça. Enfin, c'est vraiment cet archétype qui du coup a un potentiel riche pour pouvoir en faire un peu ce qu'on veut et réutiliser donc des archétypes qu'on connaît, que ce soit l'homme sans nom de Clint Eastwood ou que ce soit effectivement des figures du film noir quand effectivement il est gangster à Madripoor. Et moi aussi Princess Bar. Voilà, et moi aussi je trouve que c'est une richesse du personnage de pouvoir se permettre ça. Là on peut pas forcément le faire avec effectivement Batman, Spider-Man ou d'autres X-Men de l'équipe. I'm Charles Xavier. Would you like some breakfast? Je m'appelle Charles Xavier. Voulez-vous déjeuner? Where am I? Où je suis d'abord? Westchester. À Westchester. New York. New York. You were attacked. Vous avez été attaqué. My people brought you Mon here équipe for vous medical a ramené attention. Ici pour vous soigner. I don't need medical attention. J'ai pas besoin d'être soigné. Yes, of course. Non, bien sûr, en effet. Where's the girl? Où est la fille? Rogue? She's here. She's fine. Malicia? Elle est ici. Elle va bien. Really? Ah ouais. Ah, Logan. Logan, j'aimerais vous présenter Aurore Romanrow, also called alias Tornade. This is Scott Summers. Et voici Scott Summers. Bonjour. Alias Cyclope. They saved your life. Ils vous ont sauvé la vie. I believe you've already met Dr. Vous connaissez Jean déjà Gray. Le docteur Jean Grey. You're in my school for the... Vous êtes dans mon école pour surdoués. For mutants. Pour mutants. You'll be safe here from Magneto ne peut rien contre vous ici. What's a Magneto? C'est quoi ce Magneto? Un mutant particulièrement puissant qui pense qu'une guerre couve entre les mutants et le reste de l'humanité. Cela fait assez longtemps que je le surveille. Votre agresseur est un de ses acolytes du nom de Dent de Sabre. Sabretooth. Dent de Sabre? Storm. Tornade. What do they call you? Et vous, c'est quoi? Wheels. Roulette. C'est vraiment trop débile, votre truc. Cyclops, right? Cyclope, c'est ça. You wanna get out of my way? Tu vas me laisser passer. Logan. Logan. It's been almost 15 cela fait presque 15 ans que ça dure. Living from day to day, que vous vivez au jour le jour, comme un vagabond. With no memory of who à vous demander qui vous êtes, are. Ce que Shut vous up. Êtes. La ferme. Give me a chance. Donnez-moi une chance. I may be able to help Je peux peut-être vous apporter quelques réponses. Qu'est-ce que vous en savez? Tu n'es pas seul à avoir un don. Où va-t-il? Il est là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Viens par ici. C'était un extrait de X-Men 1 de Bryan Singer où ce Logan joué par Hugh Jackman s'en prend à ce pauvre Cyclope James Marsden qui avait déjà pas grand-chose à jouer et vraiment c'est très, très extrêmement cruel. Et alors j'aimerais parler de quelque chose avec vous qui m'a marqué, c'est que plus le personnage de Wolverine est devenu populaire, plus il est devenu beau. Initialement, il était petit, poilu, trapu, et vraiment, on a insisté sur son caractère bestial, etc. Et en fait, au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus un beau gosse, jusqu'à être carrément interprété à l'écran et brillamment, mais par Hugh Jackman, qui est quand même tout sauf un laideron. Donc, cette question basique, pourquoi certains personnages de comic book, quand ils deviennent populaires, deviennent beaux? Parce que il y en a un autre qui a vécu la même chose, c'est Rémi Lebeau, Gambit, qui initialement a été dessiné de manière avec un visage très émacié, et qui au fur et à mesure est devenu de plus en plus Johnny Bogos. Donc comment ça s'explique? C'est peut-être comme dans la vraie vie, en fait. C'est peut-être les dessinateurs, hein, tout simplement. Qui n'arrivent pas à dessiner des gens laids. Je pense que Jim Lee, il dessinait des personnages avec des jambes immenses, et donc il est devenu comme ça aussi, peut-être grâce à Jim Lee, peut-être. Après, il y a eu des périodes où, par exemple, quand on passe chez Ruka et Robertson, je crois. Derek Robertson, qui lui est revenu à quelque chose de très. C'est ça. On est vraiment, ouais. on est même, il est même plus laid, je pense, oui. Que ses débuts. C'est vraiment un petit, effectivement, bonhomme. C'est un troll. Hein. Ouais, voilà. Il ressemble plus à rien du tout. Tout le monde. Derek Robertson ne pourra pas dessiner des jambes. C'est l'inverse. Oui, c'est vrai aussi. Il n'a pas ce talent-là. C'est vrai aussi. C'est le dessinateur, pour ceux qui connaissent, de The Boys, qui est adapté en série. Effectivement, il a des personnages très marqués physiquement. Mais c'est vrai que Ruka, quand il choisit de travailler avec Derek Robertson sur cette série, c'est aussi parce que justement il veut un Wolverine petit rablé et qui s'éloigne justement de Hugh Jackman qui déjà à ce moment-là l'incarne à l'écran. Alexandra Ramos. Globalement, enfin en termes de com, le héros moche, ça ne se vend pas. On l'a vu avec Sweet Tooth, qui est une série sur Netflix qui est tirée d'un excellent comics de Jeff Lemire. Donc c'est un petit garçon qui a des cornes, donc qui a une maladie qui touche seulement les enfants et qui deviennent un peu avec des caractéristiques animales. Dans le comics, c'est le garçon est laid. Dans la série, il est tout mignon. J'imagine que le casting, il est compliqué. En mode, bon, ben, prêtez-nous vos enfants. Il faut absolument qu'ils soient moches. C'était compliqué. Et puis, évidemment, il faut que ça passe mieux à la télé. Il faut que ça s'identifie. Il faut qu'on chérie un peu le garçon, etc. Donc, c'est un peu pareil avec une Jackman, mais même d'autres héros. La mocheté, ça ne se vend pas. Et donc, une Jackman, en plus, sur 7 films, a pris de la place et est devenu le visage de Wolverine. Là, dernièrement, il y a un peu des rumeurs sur est-ce qu'il reviendrait sur le film Deadpool, etc. C'est fou comme la communauté ne veut pas d'autres visages que Jackman. Il est devenu Wolverine au fil des années. De toute façon, en plus, là, c'est pour un personnage aussi. Comme Wolverine, on est vraiment dans les mêmes débats qui peuvent exister autour de James Bond. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité très très lourde pour celui ou celle qui va récupérer ce rôle, qui est autant une bénédiction qu'une malédiction, à mon sens. Hein, parce que quand tu le fais, surtout avec le système des franchises aujourd'hui, tu sais que tu vas le faire pour 12 films et tu ne pourras pas forcément bien t'en sortir aussi. Donc, faire autre chose. Donc, c'est un... Il doit y avoir une position un petit peu ambivalente pour un acteur de se dire « Ah tiens, je vais incarner Wolverine. Oh non !» Il y a un peu de ça. Et alors, chez le personnage, il y a aussi ce rapport très particulier. On l'a présenté, c'est un assassin, c'est un ancien agent secret, il a vécu mille et une vies. Mais c'est une des figures tutélaires pour les jeunes mutants les plus affirmés, les plus montrés. C'est-à-dire que depuis sa création, on lui a toujours adjoint un sidekick, voilà, une sorte d'élève. Il y a Kitty Pryde, Jubilé. Pour Laura Kinney, X-23, c'est un petit peu différent, mais il a toujours eu... Il y a eu aussi Armor, dans l'arc scénaristique de Joss Whedon et John Cassaday. Comment on explique que finalement, Pascal le grand frère dans le monde Marvel, c'est Wolverine? C'est le contraste, hein, je pense. C'est le fait qu'on ait ce personnage justement solitaire, badass, bourru, qui fume, qui a des lames qui lui sortent de la main, lui adjoindre en premier personnage qui gravite autour de lui une jeune fille, en général un peu innocente, que ce soit Kitty au début, Jubilee ou Armor, elles sont toutes plutôt innocentes quand elles commencent à traîner avec Wolverine. Il y a un côté justement contraste entre les deux entre les deux persos. Puis il y a une dynamique du coup qui s'installe, qui est assez facile entre lui qui va leur apprendre les difficultés de la vie, les aider, leur apprendre à combattre, etc. Et elles qui vont l'humaniser justement et lui apporter de la tendresse et des choses comme ça. Après, en plus, c'est des choses où il n'y a jamais eu le moindre sous-entendu amoureux. Devenu glauque de ce niveau-là, quoi. Parce qu'on sait que sur des décennies d'écriture, parfois, il peut y avoir des choses un peu glauques. Là-dessus, ça n'a jamais été le cas. Oui, voilà, je crois qu'on est dans la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'idée de réhabilitation, l'idée d'appartenance à un groupe, à une famille et tout ça. Enfin, quoi de mieux pour réussir effectivement à conquérir le cœur du tueur que la présence d'une jeune fille ou jeune femme qui pourrait effectivement l'attendrir, l'humaniser, tout ça. Moi, ça me rappelle une des histoires que je préfère dans ce genre, qui est dans Dragon Ball Z, quand Piccolo, qui est à la base est le pire ennemi de récupère Gohan, voilà, doit s'occuper de Sangohan, pas par bonté de cœur, mais parce qu'il sait qu'il va y avoir un ennemi plus fort qui va arriver et doit l'entraîner. Sauf qu'à la fin de l'entraînement, alors qu'il est à l'article de la mort, il dit tu m'as montré un autre monde, et c'est ça, c'est à dire que si le petit Sangohan arrive à faire de Piccolo, qui est un démon, finalement un héros, c'est tout aussi possible avec Wolverine. J'ai vu aussi, justement, pour rester dans le schéma de Wolverine est un renin, un samouraï errant, j'ai vu un lien avec Lone Wolf et Baby Cart, ce samouraï qui se promène avec ce bébé qui ne parle jamais avec lui. Et je me suis demandé si c'était pas un petit peu justement ça aussi qui était prédominant chez le personnage, ce samouraï qui se promènerait avec un enfant qui est le sien, pas le sien, on ne sait pas, mais et que ce soit un hommage à ce type de cinéma. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-David Morvan, Lone Wolf. Un peu, quand même. Oui, je me disais bien. Quand même. Et donc, un avis là-dessus? Oui, bah déjà Lone Wolf, je pense, enfin c'est vraiment une des grandes bandes dessinées de tous les temps. Je pense c'est un chef-d'œuvre absolu. Donc c'est magnifique. Et d'ailleurs les films sont formidables aussi, ce qui est quand même assez rare d'avoir à la fois une bande dessinée géniale et des films formidables. Bon, je pense que Koike c'était un des plus grands scénaristes du manga de tous les temps. Il n'y a pas eu beaucoup de scénaristes parce que souvent c'est les éditeurs qui faisaient scénaristes entre guillemets dans le monde du manga, mais Koike c'est vraiment un champion. Et oui, il y a de ça évidemment. Mais je pense que Koike est quand même allé encore plus loin dans Lone Wolf que n'iront jamais les scénaristes américains, parce que il y a d'un côté les Japonais qui sont totalement extrêmes et de l'autre côté les Américains qui se font quand même un peu plus attention. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de Wolverine en se disant qu'est-ce qui plaira au public en fait pour avoir un Wolverine gentil, tout ça. Je suis très content que vous le disiez, parce qu'en fait c'est un peu vers ça que je voulais qu'on aille, c'est-à-dire que à une époque où justement quand on regarde les grands succès cinématographiques où on voit énormément de fans qui se déchirent la tête pour tout et n'importe quoi en disant oui ça a été décidé par des studios, par Kevin Feige d'un côté, Warner de l'autre, etc. Et on se rend compte que même dans le matériel de base, c'est-à-dire que la bande dessinée, le matériel premier, souvent tout a été décidé en recherche de lecteurs, en se disant bah tiens on a un lectorat canadien donc il faut un personnage canadien. Est-ce que tu peux m'inventer un personnage? Et c'était pas forcément fait avec des intentions d'auteur tout seul dans sa chambre qui s'est dit j'ai inventé ce personnage là et je vais le faire découvrir au monde. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté de faire un business avec des personnages et donc d'aller vers les attentes du. Donc en fait aujourd'hui on reproche au cinéma de faire ce que la bande dessinée fait depuis des années. Et donc vous qui êtes scénariste européen, français, est-ce que c'est un système dans lequel vous auriez pu vivre ou ça vous serait insupportable? Oh ben non, je pense que j'aurais très bien pu vivre parce que je m'en serais pas rendu compte si j'avais été américain, donc ou alors j'aurais fait avec. Je pense quand même que même s'il y a ces envies-là, on va dire commerciales des éditeurs de Marvel au départ, ce que je peux comprendre, hein, leur business c'est quand même de vendre les histoires, et c'est ça aussi qui les a rendus connus aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont voulu les vendre, parce qu'il suffit pas de les faire, il faut encore les vendre. Donc ça, je pense que c'est très bien. Mais je pense qu'ils ont eu des scénaristes qui ont réussi à, ou même des dessinateurs, si on parle de John Byrne, qui ont réussi à presque les surprendre avec ce personnage et à l'amener beaucoup plus loin que ce qui était au départ leurs ambitions d'éditeur. Et c'est là que c'est bien, c'est quand un éditeur te dit il faudrait réussir ça, et que le scénariste il va plus loin, il rentre dans les failles de ce que l'éditeur lui a demandé, il fait peut-être des trucs qui n'étaient pas attendus. Et finalement des fois les comics il faut aussi les faire très vite parce que il faut aussi que ça sorte. Donc peut-être que des fois il y a des choses qui sont passées avant que ça passe les fourches codines de l'éditeur, et que c'est ça qui a créé aussi la force du personnage, quoi. Et finalement la force des comics, qui est à mon avis moindre dans les films, c'est de pouvoir surprendre. Et j'en parlais avec Greg Rucka il y a quelques années à New York, et il me disait en fait moi j'en ai marre de bosser avec les majors, parce qu'en fait ils nous demandent maintenant en comics de pas surprendre, de faire ce que le public veut, alors que la force des comics avant c'était de créer du matériel un peu dans tous les sens et qui pourrait reprendre dans les films les choses qui leur plaisent pour un grand public, mais nous on avait le droit de faire exactement ce qu'on voulait. Voilà. Et alors que maintenant il y a une sorte d'alignement direct entre ce qui se fait sur grand écran et... Oh, je pense que oui, mais je pense il est revenu finalement, il m'a dit ça, il m'a dit je travaillerai plus jamais avec les grandes majors, avec les deux, et puis finalement un an après il re-signait chez DC pour Wonder Woman. Je pense que le chèque était quand même important, mais malgré tout je pense qu'ils réussissent quand même à faire ce qu'ils ont envie, à glisser des choses dedans. Et puis peut-être ce fantasme aussi d'aligner la BD avec le cinéma, il est passé. Des fois c'est un fantasme de personnes qui gèrent les finances, et puis au bout d'un moment ça passe et on laisse aux auteurs de comics le droit de faire un peu plus ce qu'ils veulent. C'est quand même toujours là qu'il y a eu les plus grands succès de comics et même de bande dessinée. En fait, le succès, il arrive jamais d'un truc préfabriqué. Tout le monde peut essayer de faire le nouveau Titeuf, mais ce qui marchera, c'est quelque chose de tout à fait inattendu. Et justement, par rapport à une œuvre aussi ambitieuse et grand spectacle que Sillage, est-ce que vous, dans un coin de votre tête, il y a un petit Jean-David Morvan qui dit, ah, quand même, ça ferait un super space opéra ou... Bah en fait, non, je m'en fous un peu du cinéma. Moi, je fais de la BD parce que j'aime la BD. Donc c'est comme Alan Moore, c'est-à-dire que le média ultime, c'est la bande dessinée. Ouais, un peu moins poilu, mais sinon pareil. mais oui, moi j'aime la BD. Donc après le reste, c'est autre chose. C'est pas désagréable, sans doute. Ça rapporte du pognon, sans doute. Mais si je voulais faire du cinéma, alors j'aurais essayé de faire du cinéma. J'aurais pas fait de la BD pour faire du cinéma. Je trouve ça bête. Bon ben voilà, j'ai la réponse. Et Aurélien Vivès, sur cette justement, c'est sur cette séparation et sur cet oubli de ce qu'est l'industrie du comic book, et dans lequel il faut bien distinguer que dans le comic book il n'y a pas que du super héros, il y a énormément d'indépendants, il y a des comic books sur tout, et il y a deux gros éditeurs qui effectivement se taillent la part du lion, Marvel et DC Comics, Image derrière, mais sur, j'ai l'impression que souvent on oublie, on prête aux aventures de super-héros parce qu'elles sont popularisées par le grand écran et le petit écran désormais avec les séries et tout ça, on leur prête des velléités et une indépendance artistique qui n'est pas forcément de mise dans le matériel de base. En fait, c'est une industrie déjà. Le comic books, c'est ce qui est pas un mot sale. Hein. Non, tout à fait. C'est le but, c'est de produire des BD tous les mois sur les personnages. Ils font attention aux personnages justement pour pas les endommager sur le long terme, des choses comme ça. C'est un peu le rôle des éditeurs justement. Et après, comme disait Jean-David là sur le fait qu'il y ait des périodes on va dire dans l'industrie, c'est assez vrai. C'est-à-dire il y a des moments où la charge éditoriale va être beaucoup plus marquée. Il va avoir un contrôle de la part des éditeurs qui va être plus fort. Et d'autres moments où on va plus lâcher la bride aux auteurs. Ça peut être pour des millions de raisons. En plus, on peut pas dire de manière très simple, ah, c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là. Mais on voit, par exemple, sur les X-Men, tu évoquais au début la situation de l'île mutante de Krakoa, etc. Tout ce qu'a fait Jonathan Hickman sur les X-Men et l'ère de Krakoa qui a lieu en ce moment, c'est clairement, on a laissé Jonathan Hickman faire ce qu'il voulait. Il y a vraiment une liberté artistique et créative assez dingue sur les X-Men en ce moment. Sans doute aussi pour régénérer la licence, parce que justement, elle s'était un peu embourbée dans la décennie passée. Et du coup, les éditeurs ont dit, bon, bah, c'est vrai que là on n'arrive plus à trouver la formule qui marche. On va prendre un des meilleurs auteurs. On va lui dire, tiens, vas-y, mets un électrochoc. Faire partir la machine, et pour ça D'ailleurs, je pense que faire rentrer le génie dans la bouteille après tout ce qu'il aura posé, ça va être hyper compliqué. Et je pense pas que ça arrivera vraiment, dans le sens où je pense que vraiment il y a plein de modifications qui, certaines disparaîtront au bout d'un moment et des choses comme ça, mais ça va avoir infusé la licence pendant les décennies à venir, c'est évident. Et c'est vrai que dans l'univers des comics, chez Marvel, chez DC, c'est la même chose, on a ce truc où les scénaristes, bah, mettent beaucoup quand même de choses perso dans leur création, et ça se voit entre autres avec, bah, par exemple, Chris Claremont, qui a pendant une quinzaine d'années chapeauté tout l'univers mutant. Évidemment que lui, il avait une charge éditoriale beaucoup plus légère que d'autres scénaristes qui sont arrivés après. Alexandra Ramos. C'est surtout qu'aujourd'hui, on voit deux propositions. C'est que dans l'entreprise, donc Marvel et DC, moi je vais parler par rapport à DC, il y a les runs, donc c'est les continuités, c'est des auteurs qui ont décidé de partir d'une histoire, ils vont la développer sur plusieurs tomes. Et maintenant, on a des one-shots qui se font de plus en plus, notamment chez DC, il y a le DC Black Label, où l'éditeur fait confiance à certains auteurs pour prendre des initiatives complètement nouvelles. Donc sur Batman, on a Sean Murphy, il y a Daniel Warren Johnson qui a fait Wonder Woman, et donc c'est une bouffée d'air frais quand tu es lecteur, tu as lu énormément de runs et tu tu t'empêtres un petit peu dans les histoires, c'est un peu long, c'est un peu longuet. Et là, il y a quelque chose d'assez nouveau, et c'est une vraie demande aussi du public, qui demande un peu ces auteurs, comme si c'était du comics indé. Et donc maintenant, il y a une ligne qui se fait, où on se dit, mais est-ce que, par exemple, il y a eu un très bon Daniel Brown Johnson chez Panini, qui revient sur Beta Ray Bill, qui est une sorte de oui. Thor. Est-ce que ça, c'est du comics indé? Ou est-ce que parce que c'est du Thor, ça reste un comics Je pense que tout ce que fait Daniel Warren Johnson ressemble à du comics indé. C'est génial, c'est complètement génial. De toute façon, pour réussir, je pense, quelque chose dans les comics américains d'original, il faut reprendre un personnage dont tout le monde se fout. En fait, c'est un peu ce qu'a fait aussi Miller à l'époque avec Daredevil. C'est-à-dire qu'il oui. faut, plus, moins le personnage a la cote, plus on peut s'amuser avec. Et plus on va faire des personnages forts commercialement, moins on aura le droit. Mais c'est logique, en fait. C'est normal. Donc il faut oser de temps en temps aller chercher des personnages qui sont un peu oubliés. Et là, on peut s'éclater, je pense. I'm sorry. Je m'excuse. Pour moi? De quoi? If I hurt you. De t'avoir sauté dessus. So. Alors? Couldn't wait to get my shirt off again, huh? T'aimes bien ça, m'enlever ma chemise, hein? The metal is an alloy called adamantium. L'adamantium. Supposedly indestructible. C'est un métal. Enfin, un alliage supposé indestructible. Il a été greffé par chirurgie sur l'ensemble de son squelette. How could he have survived a procedure? Comment a-t-il pu survivre à une telle opération? His mutation. Sa mutation. He has uncharted. Ses capacités de régénération sont sans précédent. Which enables him to heal rapidly. Ce qui lui permet de guérir très vite. This also makes his age impossible. Pour les mêmes raisons, il est impossible d'estimer son âge. He could very well be older than you, Professor. Il pourrait bien être plus vieux que vous, professeur. Who did this to him? Qui lui a fait ça? Il ne le sait pas. Nor does he remember anything. Et il n'a aucun souvenir de sa vie avant cet événement. L'expérimentation sur les mutants. Ce n'est pas inconcevable. Mais là, je peux dire que je n'ai jamais rien vu d'approchant. Qu'est-ce que Magneto lui veut, à votre avis? Il n'est pas encore dit que ce soit lui que Magneto recherche. Alors, on l'a entendu dans cet extrait de X-Men 1 de Bryan Singer, Logan a vécu extrêmement longtemps, et ce qui me permet en fait d'évoquer l'héritage de Logan, parce que c'est un des personnages qui a le plus d'enfants, légitimes ou illégitimes, ou clones, ou inspirés d'eux, et j'irais même plus loin en disant que c'est un des personnages qui a carrément des enfants dans d'autres maisons d'édition, vu qu'en fait, au bout d'un moment, à chaque fois que tu crées une équipe, t'étais obligé d'avoir ton griffu un peu badass, ton Wolverine à toi. Donc et c'est vrai qu'en termes d'héritage, Wolverine est un des rares personnages aussi à afficher une sexualité très déterminée dès le début. C'est-à-dire qu'on a parlé du triangle amoureux avec Jean Grey, mais il a eu plein d'histoires d'amour. Là, actuellement, dans l'arc scénaristique des X-Men, ils sont dans une sorte de triolisme qui est assez clairement affiché avec Jean Grey et Cyclope. Et elle a la chambre, elle va d'une chambre à l'autre sur la base dans la Lune. Et, c'est le cas de le dire. Oui, c'est le cas de le dire. Et je trouve que c'est assez frais et nouveau dans les comic books mainstream d'avoir un personnage aussi sexuellement libéré. Je parlais du fait que Chris Claremont a apporté énormément de ce qu'il avait envie dans pendant 15 ans sur les personnages, et c'est aussi dans la sphère de la sexualité qu'il a apporté énormément de choses, parce que alors de manière beaucoup plus sous-entendue, hein, parce qu'on est dans les années 80, mais il introduit le premier couple lesbien avec Mystique et Destiné. Il apporte la relation entre Wolverine et Tornade. Ah mais justement, oh mais vraiment Aurélien, merci, parce que non mais je n'arrête pas d'embêter les gens qui les sortent disant depuis des années. Il y a bien quelque chose depuis des années. Entre... Elle est sous-entendue, mais clairement c'est Friends with Benefits. Ils ont eu cet arrangement très tôt, mais c'est vu que c'était à l'époque, on n'allait pas trop le montrer directement, mais c'est sous-entendu assez clairement dans le run de Claremont, tout oui. à fait. Et encore plus quand on voit la réaction de T'Challa, Black Panther, quand il rencontre Wolverine. Ouais, je l'aime pas, lui. Je ne l'aime pas du tout. Et c'est vrai que ouais, il y a une, pour le coup, on voit, il y a une liberté sur la sexualité de Wolverine. Déjà, bon, c'est peut-être quelque chose un peu facile avec sa bestialité et des choses comme ça, mais c'est vrai que il y a quelque chose qui est présent. Depuis, pas ses débuts, mais pas loin en tout cas. Ouais. Ce qui n'est pas inintéressant, finalement, en écoutant ça, j'y avais jamais pensé, mais c'est peut-être le fait que ce soit un des seuls personnages adultes de l'univers des comics. C'est-à-dire que souvent, ils ont quand même tous des préoccupations et des histoires d'amour adolescentes, puisque c'est aussi des bandes dessinées faites pour les adolescents. Ça se voit particulièrement dans les films où ils hésitent. Est-ce qu'il a voulu me dire ça? Est-ce qu'il a fait oui, ça? Est-ce vrai. Qu'il veut sortir avec moi? Enfin, c'est assez débile, en fait. Et peut-être que lui est presque un des seuls adultes. Et quand on est enfant, je pense qu'on a plutôt envie de voir des adultes que des enfants. C'est-à-dire, on a envie d'être adulte, on a envie de grandir, on n'a pas envie de régresser. Et peut-être que c'est ça qui a été attirant aussi pour tous les gamins, comme nous, visiblement, qu'on lit Wolverine quand on était gamin. C'est de nous tirer vers l'âge adulte. Et c'est aussi, donc comme je l'ai dit, un super-héros qui a des enfants. Il y a notamment Daken, Akihiro, personnage bisexuel, qui est désormais fait aussi partie des mutants accueillis sur Krakoa. Mais il y a surtout Laura Kinney, X-23, qui est son clone féminin. Et à l'heure où, justement, ça défraie souvent les critiques quand un personnage est soi-disant féminisé. Pour X-23, j'ai l'impression que ça a toujours été quelque chose d'assez organique, parce qu'elle est apparue dans le dessin animé X-Men Evolution de Greg Kyle en premier, et ensuite elle a été introduite en bande dessinée, et c'est un personnage qui s'appelle Wolverine, qui a les mêmes pouvoirs que Wolverine, mais qui est en même temps complètement différent, et j'ai l'impression qu'il a pris une aura et une importance ces dernières années. C'est un personnage formidable, mais assez démente, et qui n'est pas forcément comparé à son père génétique. Alors je pense que, alors il y a eu un moment, on l'a évoqué, que Wolverine pendant quelques années est mort. Hein, bon, il a disparu complètement de la circulation dans les comics. Et c'est Laura. Il a été remplacé par Old Man Logan très vite. Oui, voilà, quand même, histoire d'avoir quand même un Logan qui traîne. Mais voilà. Mais pour le coup, la Wolverine qui a été du coup présente pendant ces années-là, c'est Laura. Il y a quand même eu de la part de la frange la plus réactionnaire des fans de comics, il y a quand même eu un rejet. J'ai pas assisté. Oui, j'ai été préservé de ça. C'est la joie d'être community manager, on n'est pas préservé de ça. mais c'est vrai qu'il a été quand même plus léger que sur beaucoup d'autres personnages, peut-être justement parce qu'il y a eu énormément de d'étapes avant d'arriver là. On l'a vu enfant dans la série X-23, adolescente, avoir ses propres Target problématiques, et petit à petit se faire sa place, et le fait que elle le remplace en plus pendant une période donnée, bon, ça choquait pas trop. Ce qui a peut-être aussi aidé, c'est le fait que la série All New Wolverine de Tom Taylor et entre autres David Lopez était assez exceptionnel, donc ça fait taire aussi beaucoup les critiques quand la qualité. Oui, et puis alors, ça n'a l'air de rien, ça n'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. elle a eu son personnage dans Marvel versus Capcom 3. non, mais c'est en termes de soft power, le Wolverine, par exemple, c'est un personnage en jeu vidéo et qui a aussi une existence. Tu sais que quand tu fais un jeu avec licence Marvel, si tu peux avoir Wolverine, c'est un plus, parce que voilà, le Berserker barrage de Marvel versus Capcom, il y a plein de gens qui le connaissaient et qui n'avaient même jamais lu un comic book, et avoir un personnage dans un jeu de baston qui se joue à un niveau compétitif, et en l'occurrence c'était le cas pour Marvel versus Capcom 3, ça fait rentrer mine de rien dans la tête de plein de gens l'idée que le personnage est canonisé, alors que pourtant c'est un produit dérivé de la bande dessinée, mais le fait de le voir apparaître sous une autre forme, et c'est d'ailleurs assez bluffant de voir qu'elle est arrivée très rapidement au cinéma également, là où d'autres héros plus anciens n'ont toujours pas elle a été intégrée très facilement via Logan. C'est sans doute que en fait il y avait sa place est iconique. C'est-à-dire, il y a quelque chose de naturel à ce que ce personnage soit créé. Une fois qu'on a cette espèce de clone féminin jeune de Wolverine, alors on oublie cette phrase qui du coup est très très chargée, mais c'est les comics. Mais une fois qu'elle est là, on est là. Ah bah oui, c'est logique. Encore une fois, c'est la place de ce personnage féminin plus naïf sous la tutelle du vieux badass. Ouais, c'est logique. C'est et elle a bénéficié aussi de Joshua Middleton, extraordinaire dessinateur, oui, qui a vraiment dessiné tellement fort, oui, tellement bien quand elle est arrivée qu'elle est mémorable. Dessinée par un piètre dessinateur, ça aurait été moins fort, mais les couvertures aussi de Joshua Middleton, c'était plus fort, quoi. Donc et après, quand elle a rejoint les X-Men, elle était dessinée par Alan Davis dans l'arc. Donc c'était vraiment chaque fois des cadors qui ont su la mettre en valeur. Et pour un personnage qui existe depuis si longtemps, qui est vraiment un super-héros plébiscité par beaucoup de public, il a, sur ses ennemis, il a une galerie de méchants qui est quand même assez pauvre. Il y a Dent de Sabre, il y a Lady Deathstrike, mais c'est pas non plus la folie pour quelqu'un qui a vécu, qui a traversé autant d'époques. J'ai l'impression... C'est lui le méchant. Oui, en fait, voilà. Bah, j'ai l'impression qu'en fait, c'est très difficile de lui mettre un némésis de taille, vu qu'en fait, il porte en lui tout ce qui peut lui porter préjudice déjà. Parce qu'il va vite les tuer. Donc, il y a la notion de tuerie avec Wolverine. Donc, et c'est peut-être ça aussi. Ouais. T'es pas le némésis de Wolverine longtemps. D'où Wendigo, quoi. Oui. Oui, c'est ça. Ou alors, il faut que ça soit exactement un personnage comme lui, qui a pouvoir auto-guérisseur, qui peut... C'est pour ça qu'on tourne un peu en rond, effectivement, avec les Dent de Sabre, Lady Deathstrike, qui sont un peu des ersatz de lui-même. Ou alors, il faut que ce soit effectivement la main, pour que ce soit autant de ninjas anonymes possibles qui puissent dézinguer, sans que c'est ça... Enfin, il y en aura toujours, quoi. En fait, outre les anti-Wolverine et les ninjas sans visage, la troisième ligne, on va dire, de méchants, c'est les femmes fatales, quoi. C'est Vipère, c'est Mystique. Ça rejoint le côté baroudeur, voilà, le presque James Bondien du personnage, avoir la femme fatale en adversaire. Mais c'est vrai qu'on est un peu sur des figures comme ça qui sont un peu répétitives. C'est vrai. Omega Red sort un peu du lot, mais c'est pas le. Il a été magnifié à l'époque de Jim Lee quand il est apparu. Et puis parce qu'il a eu son personnage dans un jeu vidéo. On y revient quand même. Hein. C'est important. Mais en dehors de ça, c'est vrai que ça, c'est assez pauvre. Mais je pense qu'effectivement, c'est lui qui incarne suffisamment la dualité pour qu'il n'ait pas besoin de super vilain. Il suffit à lui-même. Effectivement, il y a tellement de fois où il a été soit on lui a lavé le cerveau, soit on l'a manipulé, soit effectivement il finit bras droit d'Apocalypse et tout. Ou donc du coup, ses ennemis étaient les héros, étaient les X-Men ou étaient les autres personnages de l'univers Marvel. Et d'ailleurs, dans Old Man Logan, c'est un futur dystopique dans lequel il est celui qui a tué tous les X-Men. Oui. Voilà, parce que c'était Mysterio qui lui avait retourné la tête. Et donc, effectivement, quand tu es celui qui tue l'équipe de super-héros, t'as pas besoin de super-vilain. Mais ton propre... peut-être aussi qu'il est tellement humain, peut-être plus que les autres, au fil des années, que son ennemi, c'est aussi le monde. C'est pas mal. Il n'est pas obligé d'avoir un super vilain, mais se confronter au vrai monde, qui est suffisamment méchant. C'est ce qu'on voit dans Sodad. C'est sans doute ce que j'ai fait, mais sans m'en rendre compte, et peut-être que d'autres scénaristes le font aussi. C'est-à-dire qu'il y a cette capacité de parler du vrai monde avec Wolverine, alors que j'ai l'impression quand même que beaucoup aujourd'hui, les super-héros ne parlent que de super-héros. En fait, si on lit aujourd'hui des Batman ou d'autres choses, ça tourne en boucle parce que ça ne parle toujours que des problèmes de super-héros. Mais je trouve que les comics étaient vraiment très intéressants là, quand par exemple Mark Millar parlait dans Ultimates des couples, des femmes battues, de choses comme ça, qui parlaient du vrai monde, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'en ce moment, et ben peut-être ça reviendra, ou peut-être que j'ai pas tout lu parce que j'lis pas tout en ce moment, mais que c'est le vrai monde qui est intéressant et que Wolverine, il peut faire partie du vrai monde. Ça existe encore, mais sur des séries plus urbaines ou plus périphériques, mais il y a encore de jolies surprises. Mais effectivement, c'est plus tout à l'heure, on parlait de Daredevil. Daredevil, de par le fait qu'il se limite à Hell's Kitchen, comme ça, Brooklyn, on arrive à chaque fois à avoir un auteur qui a quelque chose à dire et qui apporte toujours quelque chose d'intéressant. Et mais c'est vrai que sur des personnages qui sont dans des aventures tellement, mais plus grandes que nature, c'est-à-dire que les Avengers, ils vivent dans le corps d'un céleste géant désormais, c'est leur base d'opération. Avec des Ghost Riders qui viennent du passé, des Avengers de 20 000 ans avant Jésus-Christ. Enfin, c'est tellement loin que ça devient très compliqué de raconter une histoire sur le ici et maintenant quand on est dans un truc qui est aussi. Mais je trouve que justement, ce qu'a fait Hickman et les autres scénaristes actuellement sur la franchise X-Men, c'est vraiment de l'inscrire dans le maintenant. On a vraiment les métaphores sont très visible, très très lisible, et c'est pour le coup c'est une énorme franchise et c'est énormément de séries qui parlent justement de ça. Alors politiquement c'est très stimulant parce qu'en fait ça vous fait, c'est ce que je disais dans l'édito, ça vous fait vous poser des questions sur le communautarisme en bien ou en mal, à quoi ça correspond, est-ce que ces mutants sont en train de faire dans cet univers-là, c'est-à-dire de déclarer leur indépendance, de coloniser une planète comme ça sans demander à qui que ce soit, parce que bah ils ont le pouvoir, et en fait être dans une relation presque impérialiste par rapport à l'univers, on n'en attend plus que vous nous donnez la permission, on prend. Et c'est vrai que ça fait réfléchir sur même sur le réel, sur la manière dont les communautés fonctionnent les unes par rapport aux autres. Et c'est vrai que depuis qu'Hickman a repris le destin des mutants, pour la première fois depuis que je les lis, je me suis dit, ah ça y est, j'ai compris la phrase craint. par un monde qui c'est vrai qu'ils peuvent faire peur quand on sait qu'ils sont tous réunis comme ça et qu'ils peuvent terraformer une planète en une journée, ça fait réfléchir. Ouais, il y a vraiment un équilibre vraiment réussi sur à la fois le côté super héroïque avec justement des choses plus grandes que nature et des choses incroyables, et à la fois réussir à infuser ça avec des vraies questions sociales et politiques. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission consacrée à Wolverine. Je vous remercie, Jean-David Morvan, Alexandra Ramos, Aurélien Vivès, Robert Ospian. Merci beaucoup, Wolverine étant si ce n'est mon personnage préféré. J'étais ravi de pouvoir l'évoquer avec vous. Ce blockbuster a été réalisé par Étienne Bertin et aujourd'hui à la technique, et on le remercie, Gilles Gaillard. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Et on se retrouve dans 15 jours avec un blockbuster consacré sur un thème complètement différent, le jeu vidéo Super Smash Bros. C'est ça l'effet que ça fait alors. Blockbuster est un podcast original de France Inter. France Inter.